« Eh bien, ma chère Madame Saint-Estève, » dit l'avocat en introduisant l'horrible vieille dans son cabinet et en fermant soigneusement les portes, « où en sommes-nous ? » « Eh bien, mon cher ami, » dit-elle en regardant Victorin d'un œil froidement ironique, « vous avez fait vos petites réflexions ? Avez-vous agi ? Donnez-vous 50 000 francs ?»« Oui, » répondit Ulofis, « car il faut marcher. Savez-vous que, par une seule phrase, cette femme a mis la vie et la raison de ma mère en danger. Ainsi, marchez. » « On a marché, » répliqua la vieille. « Eh bien, » dit Victorin convulsivement, « eh bien, vous n'arrêtez pas les frais ?»« Au contraire, c'est qu'il y a déjà 23 000 francs de frais. » Ulofis regarda la Saint-Estève d'un air imbécile. « Ah ça, seriez-vous un jobard, vous l'une des lumières du palais ?» dit la vieille. « Nous avons pour cette somme une conscience de femme de chambre et un tableau de Raphaël. Ce n'est pas cher. » Hulot restait stupide. Il ouvrait de grands yeux. « Eh bien, » reprit la Saint-Estève, « nous avons acheté Mademoiselle Reine Tonsard, celle pour qui Madame Marneffe n'a pas de secret. »« Je comprends, »